petit poulain dans son jardin. Dans son jardin, qu'est-ce qu'il était bien. Un petit chaton dans sa maison. Dans sa maison, qu'est-ce qu'il est mignon. Un petit poulain dans son jardin. Un petit chaton dans sa maison. Le petit poulain, il était bien. Le petit chaton, il est mignon. Un petit canard dans sa baignoire. Dans sa baignoire, qu'est-ce qu'il est peinard. Un petit lapin qui a l'air de rien. Qui a l'air de rien, mais qu'il est malin. Un petit canard dans sa baignoire. Un petit lapin qui a l'air de rien. Le petit canard, il est peinard. Le petit lapin, il est malin. Un petit blaireau dans son berceau. Dans son berceau, qu'est-ce qu'il était gros. Un petit pingouin qui est dans son bain. Qui est dans son bain, qu'est-ce qu'il est câlin. Un petit blaireau dans son berceau. Un petit pingouin qui est dans son bain. Le petit blaireau, il était gros. Le petit pingouin, il est câlin. Un petit hamster, les couilles à l'air. Les couilles à l'air, qu'est-ce qu'il était fier. Un petit cochon pendu au plafond. Pendu au plafond, qu'est-ce qu'il est trognon. Un petit hamster, les couilles à l'air. Un petit cochon pendu au plafond. Le petit hamster, il est super. Le petit cochon, il est trognon. Tintin, tintin. Oui, oui, oui. Tintin.